Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment les États-Unis sont-ils devenus un acteur puissant au Proche-Orient, s'interroge l'historien Henri Laurence. Comment le roi d'Arabie saoudite, Ibn Saoud, joue-t-il habilement sur la rivalité naissante entre Britanniques et Américains, alors que ces derniers prennent conscience de l'importance des réserves du pétrole saoudien? Comment le même Ibn Saoud explique-t-il à Roosevelt, dans leur correspondance, que la Palestine ne peut être la solution à la question juive? Comment revient la politique au Proche-Orient quand la guerre s'éloigne? Quelle est l'épreuve de force au Levant en 1943 et comment la question palestinienne domine-t-elle l'actualité du Proche-Orient en 1944? Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, interroge au travers d'un grand récit-analyse l'hégémonie britannique de 1926 à 1956 dans le cadre de sa série pluriannuelle consacrée aux crises d'Orient. Nous voici dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, en 1943-1944. Les Américains deviennent donc un acteur puissant dans la région et tentent de calmer les tensions entre les Britanniques et les Français, notamment au Levant, au Liban et en Syrie, les Britanniques cherchant à établir une influence dans un Levant indépendant. Depuis plusieurs cours, nous suivons les rivalités entre les deux puissances dans la région. Comme nous allons le voir dans le cours d'aujourd'hui et comme le résume Henri Laurence, et je le cite, « La Grande-Bretagne se doit d'arbitrer entre les ambitions contradictoires de ses partenaires arabes. Les monarchies hachémites, l'Égypte qui veut se doter d'une hégémonie régionale, l'Arabie saoudite qui a peur de se trouver encerclée par les hachémites, les enjeux régionaux immédiats sont la Syrie et la Palestine. La position la plus sûre est de s'en tenir au statu quo en affirmant que les questions politiques ne seront abordées qu'après la fin de la guerre. Or, les événements vont se précipiter avec le retour de la politique dans la région. Alors où en est l'unité arabe et la question du partage de la Palestine? Comment depuis le début des années 1930, la solidarité avec les Arabes de Palestine se trouve-t-elle au centre du discours nationaliste arabe et du discours islamiste en formation? Le cours précédent avait abordé la question des nationalistes arabes radicaux réfugiés en Allemagne nazie qui avaient découvert le délire racial d'Hitler et sa guerre contre les Juifs en pleine solution finale. Le cours d'aujourd'hui poursuit l'analyse des propagandes radio des puissances de l'Axe dans les pays arabes. Et nous gagnons le Collège de France le 12 décembre 2018 pour le cours d'Henri Laurence intitulé « Les crises d'Orient ». L'hégémonie britannique 1926-1956, aujourd'hui, le Levant et la Palestine dans la guerre. La fois précédente, je vous ai laissé face à une déclaration de Radio Barry qui se veut informative tout en utilisant la question de Palestine comme vecteur de propagande contre les puissances alliées. Les Nations Unies, comme on dit à l'époque. Et là, maintenant, on va comparer pour le même jour une déclaration de Radio Berlin. Vous allez voir la différence de style. Anglais et juifs. Durant la révolution de Palestine, le Times a écrit un jour un article dans lequel il disait « La Grande-Bretagne est le royaume d'Israël et le roi d'Angleterre est un descendant de David. » Il n'y a pas de doute que les Anglais et les Juifs sont de la même origine. L'Angleterre occupant la Palestine parce que ce pays est juif. Tous les peuples anglo-saxons sont d'origine sémite. Les peuples d'Amérique descendent d'Isaac, fils d'Abraham. Il apparaît de là que l'anglais et le juif sont entre eux comme une personne et son image dans un miroir. Le principe anglais n'est autre que le principe juif, basé sur le mal et la destruction. La Grande-Bretagne s'appuie pour étendre sa domination sur les promesses que Jéhovah fit aux Juifs quand il leur promit la domination du monde. Ces promesses ont par conséquent été faites aux Anglais et la destinée de la Palestine et des Indes doit s'arranger sans complication. Les Juifs aspirent à la domination du monde, ils leur tâtent de réaliser leurs ambitions et si l'Angleterre arrive à gagner la guerre, elle dirigera le monde et son pouvoir s'étendra sur tous les pays. Alors les Juifs ne réclament pas seulement la Palestine, la Syrie et l'Afrique du Nord, ils voudront la possession du globe entier. Si le sang coule, si le monde est en guerre, si la misère est générale, c'est parce que les Juifs l'ont voulu et le veulent encore. Mais je ne crois pas que le monde sera abandonné à ce malheureux destin, je ne crois pas que la sagesse divine le permettra toujours, je ne crois pas que l'humanité se taira devant les crimes des Juifs. Donc là, vous voyez la différence complète entre l'antisémitisme absolument forcené de Radio Berlin en arabe par rapport au caractère plus subtil des émissions de Radio Bari en arabe. Elles sont du même jour, elles sont du 31 janvier 1943. Enfin, la première est du 13 janvier 1943 et la seconde du 31 janvier 1943. Je les ai retrouvées dans les archives du mandat français puisqu'il y avait un système de monitoring des radios étrangères. Et donc, vous aviez des gens qui prenaient des notes sur les émissions de Radio Berry et de Radio Berlin. Alors, indépendamment de la différence des propagandes, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'elles étaient écoutées. Une estimation américaine considérée comme fiable donne 90 500 récepteurs d'ondes courtes pour l'Égypte, l'Irak, la Syrie et l'Arabie Saoudite, pendant la période concernée, 155 710 pour la Palestine, l'Algérie et le Maroc, détenus essentiellement dans ces cas par des Juifs en Palestine et des Européens en Afrique du Nord. Donc le nombre de postes ondes courtes détenus par des Arabes du Golfe à l'océan, c'est-à-dire donc du Golfe Persique jusqu'au Maroc, serait donc de l'ordre de la centaine de milliers, ce qui est très faible, vu l'importance des populations et la dispersion géographique. Pour le Levant, on sait d'après certains témoignages d'époque que Radio Ankara, considérée comme neutre, avait une très bonne écoute, pour la même raison que les Français occupés écoutaient la radio suisse, parce que les pays neutres étaient considérés comme beaucoup plus fiables que les pays en guerre. Voilà ce qu'on peut dire. En tout cas, si les deux propagandes utilisent la question de Palestine, il est clair de toute façon que la question de Palestine est au centre du nationalisme arabe depuis la fin des années 20. Et donc, par conséquent, c'est pas du tout une innovation et on n'a pas besoin d'eux pour intéresser la question. Alors, une fois la guerre gagnée, enfin la bataille gagnée dans le désert occidental, les Britanniques s'inquiètent de l'importance des éléments armés dont disposent les Juifs de Palestine et craignent que ces derniers suscitent des affrontements avec les Arabes pour imposer la réouverture du dossier politique. Dans les premiers mois de 1943, en revanche, les Juifs de Palestine sont plutôt concernés par le sort des Juifs d'Europe et par les luttes pour le pouvoir à l'intérieur du mouvement sioniste. Donc, des interlocuteurs anglo-saxons, américains et britanniques, quand on leur interroge sur la question, renvoient la question au lendemain de la guerre en disant que pour l'instant on fait la guerre et on n'a pas le temps de faire de la politique. Mais le contexte du Moyen-Orient a été totalement transformé par la guerre. La région maintenant comprend un acteur puissant, de plus les États-Unis. Les appels au secours britanniques ont fait comprendre aux Américains l'importance stratégique de la région. Ils sont maintenant bien présents en Irak et dans le Golfe, en raison du corridor persan. Depuis 1939, les compagnies pétrolières membres de la CASOC demandent à Washington de resserrer les liens avec l'Arabie Saoudite. CASOC, c'est le consortium qui exploite le pétrole saoudien. La production pétrolière a atteint les 4 millions de tonnes. Mais les compagnies membres de l'IPC, donc puisque dans l'IPC il y avait une partie de compagnies américaines, Direct Petroleum Company, refusent de permettre à leurs concurrents d'accéder au réseau de distribution et la guerre a entraîné une pénurie de navires pétroliers. Les finances de l'Arabie saoudite sont donc exsangues et les responsables de la CASOC craignent de voir une résiliation de leurs concessions. Alors ils demandent à Roosevelt que la marine américaine achète du pétrole saoudien, mais la marine américaine refuse puisque la qualité n'est pas compatible avec celle utilisée par les navires de guerre. Donc, pour pallier la crise financière, Washington autorise à Londres un prélèvement sur l'aide américaine des subsides à l'Arabie saoudite. Autrement dit, les Américains donnent de l'argent aux Britanniques pour leur effort de guerre générale et une fraction de cet argent est donnée par les Britanniques à l'Arabie saoudite. En mars 1942, un consulat américain est établi à Jeddah, qui est le premier pas vers une présence officielle américaine dans le pays, puisque jusque-là, il n'y avait pas de diplomate américain en Arabie saoudite, il y avait la compagnie pétrolière, et c'était le consulat américain au Caire qui couvrait l'Arabie saoudite, enfin la légation américaine au Caire. Vers le milieu de la guerre, les stratèges américains prennent conscience du risque d'épuisement des ressources pétrolières de ce que les Américains appellent l'hémisphère occidental. On a toujours du mal à comprendre parce que nous voyons le monde sous forme d'un planisphère. Donc il y a deux hémisphères, nord-sud. Tandis que les Américains voient le monde sous forme d'un globe. Et donc il y a deux hémisphères, l'ancien monde et le nouveau monde. Donc l'hémisphère occidental et l'hémisphère oriental. Vous voyez ce que... la différence de vocabulaire entre donc l'hémisphère occidental, c'est les deux Amériques. Et l'importance des réserves saoudiennes. En même temps, comme on l'a expliqué sur Ibn Saoud, c'est un bon routier de la politique et donc il joue de la rivalité naissante dans son royaume entre Américains et Britanniques. Il laisse entendre aux Américains que les Britanniques tenteraient de persuader de dénoncer la concession pétrolière pour la transférer à leur compte, ce qui inquiète les Américains alors que les Britanniques n'en avaient aucun projet de ce genre. Et du coup, le pétrole saoudien est défini comme un intérêt national américain. Dans le vocabulaire politique américain, national renvoie à l'extérieur et pas à l'intérieur. C'est une règle linguistique. Quand on est à l'intérieur, c'est fédéral, et quand on fait de la politique extérieure, c'est national. Donc vous avez le Federal Bureau Investigation, mais le Conseil de sécurité nationale, dans le vocabulaire politique américain. Donc un intérêt national, c'est un titre important, et donc on entame la transformation. En janvier 1944, la CASOC est transformée en Aramco, Arab American Oil Company. Et là aussi, l'effet de propagande est volontaire. Dans les compagnies anglaises, on met les Anglais d'abord. Anglo-Persian Oil Company, Anglo-Iranian, tandis que les Américains mettent les Arabes d'abord. Arab American. Et c'est voulu. Alors on voit très bien dans les films de l'époque, on va montrer les travailleurs américains dans les compagnies, dans l'Aramco, travailler côte à côte avec les Arabes à serrer les boulons sur les derricks, etc. Alors que dans les films britanniques, on voit plutôt un contremaître britannique donner des ordres à des employés. On voit très bien la différence de récit. J'avais fait jadis une émission dans Marc Ferro, Histoire parallèle. On analysait ces bandes d'actualité. Et c'était particulièrement visible. Alors, Weizmann, donc l'un des chefs subventionnistes, a relancé auprès de Roosevelt l'idée que, contre un bakchich, il serait possible de persuader Ibn Saoud d'accueillir les Arabes palestiniens dans son royaume, ce qui serait une solution élégante au problème. Mais les représentations américaines au Moyen-Orient ont transmis l'importance de l'hostilité au sionisme dans leur zone de compétence. Et à partir de 1942-43, Roosevelt va entretenir une correspondance avec Ibn Saoud. Et Ibn Saoud lui explique que la Palestine ne peut être la solution à la question juive. Même si on massacrait ou dépossédait les Arabes palestiniens de leurs terres, il n'y aurait pas de place pour fournir tous les Juifs du monde, dit le monarque saoudien. Et il lui propose que chaque pays allié prenne l'équivalent d'un dixième de la population juive, ce qui permettrait de régler la question. Roosevelt lui répond en utilisant la formule qui sera par la suite inlassablement répétée. Le gouvernement des États-Unis ne prendra pas de décision avant d'avoir consulté les Arabes et les Juifs. Un émissaire américain bon arabisant est envoyé auprès du roi en août 1943 qui exprime sa colère devant les tentatives de corruption de la part des sionistes. Et le roi explique que son opposition est fondée aussi bien sur des raisons politiques que sur des raisons religieuses. Et puis de toute façon, maintenant, les caisses du royaume sont maintenant remplies. On n'est plus dans la crise financière du début des années 40. Alors Roosevelt oriente sa réflexion sur la possibilité de faire de la Palestine le banc d'essai de son projet de transformer les colonies européennes en trusteeship, avec le maintien au moins provisoire des Britanniques. Le mot trusteeship arrive constamment dans la langue de Roosevelt, mais on n'arrive jamais à comprendre exactement ce qu'il veut dire, parce que lui-même ne le sait probablement pas. En Syrie, la priorité américaine a d'abord été de calmer le jeu entre Français et Britanniques. Et les Américains, en 1942, avaient considéré que Spears était plutôt le fauteur de troubles. Néanmoins, un pas essentiel est fait le 2 octobre 1942, en élevant le consul général à Beyrouth au rang d'agent diplomatique, ce qui correspond à un pays qui, sinon indépendant, néanmoins dispose d'une autonomie considérable. Le nouveau titulaire de la représentation diplomatique est William Wadsworth, un ancien professeur à l'Université américaine de Beyrouth, qui est accrédité auprès des gouvernements syriens et libanais. Alors encore une fois, quand je parle d'arabisants américains, il faut bien voir que pour l'essentiel, ils viennent de l'entourage de l'Université américaine de Beyrouth, ou accessoirement de l'Université américaine du Caire. C'est là le réservoir d'arabisants. Et donc, ils sont de culture protestante, ce sont des fils de missionnaires, ou en tout cas des proches des missionnaires protestants au Proche-Orient. Alors, par courtoisie, les lettres de mission sont aussi adressées aux autorités mandataires, et les Américains admettent le fait qu'à la fois la Syrie et le Liban sont considérés comme indépendants, puisque maintenant les diplomates américains sont accrédités auprès des gouvernements syriens et libanais, mais qu'en même temps, cette indépendance est limitée pour les raisons de la guerre. Alors, les Syriens sont inquiets de voir que le représentant américain réside à Beyrouth, mais l'Américain leur explique que c'est purement technique, c'est parce que le Haut-Commissariat est à Beyrouth que le représentant diplomatique américain est aussi à Beyrouth et que les États-Unis s'opposeront résolument à l'existence de privilèges particuliers pour la France ou la Grande-Bretagne une fois la guerre terminée et l'indépendance acquise. Alors, pendant ce temps-là, le match, le combat de coq entre Spears et Cattrall se poursuit. Alors, Cattrall, qui est un maître diplomate, joue la montre en s'absentant pendant 3 mois sans donner de consigne à la personne chargée de l'intérim, ce qui évidemment permet de ne pas prendre de décision. Finalement, dans la seconde quinzaine de mars 1943, Cattrall annonce le rétablissement des constitutions syriennes et libanaises et la tenue prochaine d'élections. Dans un télégramme à De Gaulle du 6 mars 1943, il fait l'exégèse des complications du Levant, bon modèle du jeu d'implication. Ça vous montre comment on raisonne dans la région. Je crois qu'on continue encore à raisonner à peu près de la même façon. Ce qui est libanais de conviction ou d'intérêt, c'est-à-dire l'élément chrétien en général, se sent plus solidaire de la France devant ses menaces de démembrement ou d'absorption, tandis qu'inversement, les irrédentistes musulmans déclarent le Liban habitable dès le moment où il paraît devoir être intégré dans un système arabe. Ils se défendent de vouloir le démembrer en reconnaissant au moins en parole que la France y ait la primauté. De leur côté, les Syriens obéissent à des sollicitations antagonistes suivant qu'ils pensent syriens ou qu'ils versent dans la fantasmagorie pan-arabe. Quand ils considèrent la menace sioniste turque, ils déclarent que leurs intérêts et les nôtres se confondent et affirment vouloir s'accorder avec nous seuls. Mais quand ils envisagent le rassemblement des Arabes, ils jugent que les maîtres du jeu sont les Anglo-Saxons. Et dès lors, ils inclinent à ne pas se lier à nous, à se contenter de bons rapports et à réserver leurs décisions jusqu'à la conférence de la paix. Ils y sont d'autant plus portés que Wadsworth leur répète que la charte de l'Atlantique est le nouvel évangile international et que la position anglaise est bien connue. Donc vous voyez ce type de raisonnement à trois ou quatre bandes que Cattrou tient en 43 dans un télégramme à De Gaulle. Bon, vous pouvez le continuer encore aujourd'hui quand vous analysez la politique libanaise, syrienne ou irakienne, en changeant simplement quelques termes. On a à peu près le même type de raisonnement. Donc si l'Orient était compliqué, il était temps que la politique française se simplifie un peu. Et donc c'est la création du Comité français de libération nationale Alger en 1943, ce qui signifie rapidement la victoire politique de De Gaulle, effective durant l'été 1943. Dès lors, Cattrou devient commissaire à la coordination des affaires musulmanes et gouverneur général de l'Algérie. L'ambassadeur Jean Helleu lui succède comme délégué général au Levant. Alors maintenant que la guerre s'éloigne, on fait de la politique. Les hachémites ne cachent pas leurs ambitions sur la Syrie. Abdallah relance la Grande Syrie, dont il serait le souverain, mais n'a aucun soutien dans le pays, sauf chez les Druzes. L'Irak voudrait un trône de Syrie pour le régent dont les fonctions irakiennes ne seront pas éternelles. Les uns et les autres ignorent les fantaisies de Churchill consistant à faire d'Ibn Saroud le chef d'une fédération arabe en échange d'une constitution d'un État juif. Donc la Grande-Bretagne se doit d'arbitrer entre les ambitions contradictoires de ses partenaires arabes, les monarchies hachémites, l'Égypte qui veut se doter d'une hégémonie régionale, l'Arabie saoudite qui a peur de se trouver encerclée par les hachémites. Les enjeux régionaux immédiats sont la Syrie et la Palestine. La position la plus sûre est de s'en tenir au statu quo en affirmant que les questions politiques ne seront abordées qu'après la fin de la guerre. Mais il y a toujours des accidents politiques. Ce qui se passe en février 1943... quand un membre de la Chambre des communes pose une question au gouvernement pour savoir si son pays soutenait un rapprochement progressif des pays arabes qui pourrait aboutir à une fédération. Et évidemment, la réponse automatique du Foreign Office est de reprendre la déclaration d'Eden de mai 1941. Mais comme le contexte a totalement changé, elle est perçue cette fois comme un encouragement britannique à créer une forme d'unité arabe. Alors qu'en mai 41, c'était juste pour sauver les meubles. Mais on voit très bien le mécanisme. Un député pose une question et le représentant du gouvernement, il sort la dernière fiche technique sur le dossier, qui est la déclaration précédente. Alors, à partir de la déclaration d'Eden, renouvelée en février 43, vont s'entamer deux processus différents. Un début de consultation entre pays arabes et un second plan de partage de la Palestine. Les responsables britanniques sur le terrain font le lien entre le règlement de la question de la Palestine et le sort du mandat français. Puisque par définition tout le malheur dans les relations anglo-arabes vient de la présence française au Levant et que tout règlement palestinien se fera en partie au détriment des Arabes, ces derniers pourraient trouver une compensation par l'éviction des Français de Syrie et du Liban. Comme il ne peut être question de traité franco-syrien et franco-libanais, la Syrie et le Liban pourraient ainsi entrer dans la zone Sterling, ce qui serait un grand pas vers l'unification économique de la région sous la tutelle éclairée de la Grande-Bretagne qui est totalement désintéressée, je rajoute ça évidemment. Alors, sur ces prémices, les consultations interministérielles de l'été 43 se tourne vers un second plan de partage en absence d'options saoudiennes. Reste à déterminer la taille de la partie juive compte tenu du sort des habitants arabes qui s'y trouvent et le degré d'intégration dans un ensemble syrien. Mais pendant ce temps-là, l'épreuve de force au Levant, tant attendue, va finalement se produire. Une fois le principe des élections acquis, il s'est déroulé toute une série de tractations entre les forces politiques, les gouvernements de transition et l'administration mandataire. En Syrie, les élections de juillet 1943 donne une majorité au bloc national commandé par Kuwaitli. Si les notables ont encore la haute main, on voit apparaître toute une nouvelle génération d'hommes politiques radicaux, aussi bien en matière sociale que nationale. L'éventail politique comprend maintenant un parti communiste et une association des frères musulmans, prompte à défendre une morale austère. Kuwaitli devient président et les nationalistes forment le nouveau gouvernement. Au Liban, les élections d'août-septembre 1943 opposent en fait les adversaires et les partisans de la France. Alors, Helleu, évidemment, soutient les partisans de la France et Spers les nationalistes qui veulent l'indépendance du Liban. Et c'est les derniers, c'est les partisans de l'indépendance qui l'emportent avec un tandem formé entre le maronite Béchar al-Rouri et le sunnite Riyad al-Sour, à la libanaise S-O-L-H. Rouri devient président de la République et Sour président du Conseil. Il est proche des nationalistes syriens du bloc national et on peut attendre à ce que les Syriens et les Libanais mènent une action conjointe pour arriver à une indépendance complète. Mais en fait, le conflit va se dérouler au Liban. Dans son discours programme, Riyad al-Sour annonce la volonté d'obtenir une reconnaissance internationale de l'indépendance complète du Liban. Syriens et Libanais exigent des autorités françaises le transfert des compétences étatiques, en particulier les intérêts communs entre les deux pays. Je rappelle les intérêts communs, c'était l'ensemble du dispositif fiscal qui touchait les deux pays à la fois et qui permettait de faire fonctionner le Haut Commissariat. Et le, après avoir consulté De Gaulle et le CFLN, refuse tout transfert et modification de la Constitution sans négociation préalable, c'est-à-dire qu'il exige d'abord un traité. Le 8 novembre 1943, le Parlement libanais vote la suppression des articles de la Constitution qui font référence à la puissance mandataire. Et le répond par un coup de force en suspendant la Constitution et en dissolvant le Parlement le 10 novembre. Plusieurs personnalités sont arrêtées. La question est de savoir si le recours à la force est ou non une décision propre de Helleu. Ça, les historiens en discutent encore. Certes, le SFLN, donc le Comité français de libération nationale, n'a pas été informé au préalable, vous consultez, mais la position de De Gaulle est plus imprécise sur le sujet. Les manifestations de protestation se multiplient dans le pays dans un climat d'union entre chrétiens et musulmans. Le 13 novembre, le gouvernement britannique informe Alger qu'il envisage une intervention éventuelle des forces britanniques pour établir l'ordre et libérer les personnalités arrêtées. Le rappel d'Helleu est demandé. Washington soutient la position britannique et s'étonne de voir que le SFLN, alors que la métropole française est mise sous la botte allemande, ne comprennent pas les aspirations à l'indépendance d'un autre peuple. À Alger, on veut toujours maintenir la présence française et on fait porter la responsabilité de la crise sur les manigances de Spears, mais la France libre, enfin maintenant c'est le CFLN, n'a pas les moyens de s'opposer aux anglo-saxons. Donc, le général Quatreau est envoyé d'urgence d'Alger pour mettre fin à la crise. Le 19 novembre, Cazet, qui est le ministre résident britannique au Proyen-Orient, et Spears adresse un ultimatum exigeant d'ici le 22 novembre le rétablissement de la Constitution et de la libération des personnalités. Les États-Unis soutiennent totalement la démarche britannique. Quatreau doit s'incliner devant ce nouveau fachoda en outrepassant les instructions reçues d'Alger. Le 22 novembre, tout est rentré dans l'ordre et l'anniversaire de ce jour deviendra la fête nationale libanaise. De Gaulle était partisan d'une politique de fermeté, mais il a été désavoué par la majorité du SFLN. En colère, il a dû s'incliner. Et c'est à l'occasion de cette crise qu'est conclu le pacte national libanais entre Pourri et Sol. Le président de la République sera maronite, le président du Conseil sera sunnite et le président de la Chambre sera chiite, ce qui donnera au Liban la particularité d'avoir trois présidents. C'est-à-dire quand une personnalité étrangère sera au Liban, il faut qu'il voit les trois présidents, tout en proclamant la nécessité de mettre fin au confessionnalisme politique, qu'il est en réalité consacré, y compris dans les détails de l'administration. les chrétiens reconnaissent l'existence d'un visage arabe. Le Liban n'est pas un pays arabe, mais il a un visage arabe. Et les musulmans renoncent à toute fusion avec la Syrie ou tout autre État arabe. Le 22 décembre est signé à Damas un protocole franco-libano-syrien prévoyant le transfert progressif de toutes les compétences civiles du Haut-Commissariat aux États syriens et libanais, les Français ne conservant plus que les compétences militaires en raison de la guerre. C'est pour ça, on verra, qu'il est impossible de dater la fin du mandat français, parce que progressivement, les différentes compétences sont transmises au gouvernement syrien et libanais, et il n'y a pas de date de fin du transfert de compétences, donc on ne peut pas dire « c'est tel jour, c'est la fin du mandat ». Il s'effiloche naturellement. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Henri Laurence, Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956, aujourd'hui, le Levant et la Palestine dans la guerre. Alors repassons à la Palestine et à la Syrie pour l'année 1944. En 1944, les États-Unis apportent un soutien diplomatique de plus en plus marqué à la cause de la Syrie et du Liban. Le 19 septembre 1944, Washington annonce la reconnaissance officielle de l'indépendance des deux pays. Et en fait, ils mettent fin à la clause des capitulations, ce qui est plus important. Puisque, au moment de la création des mandats, les États-Unis, qui n'étaient pas membres de la Société des Nations, avaient marqué qu'ils suspendaient leurs droits capitulaires sur la Syrie et le Liban, et que ces droits reprendraient valeur le jour de l'indépendance pour en négocier l'avenir avec les gouvernements indépendants. Et donc, cette clause est supprimée puisque, pour la Syrie et le Liban, puisque les deux pays sont maintenant considérés comme indépendants. Alors les Français essayent d'expliquer à leurs interlocuteurs arabes qu'il ne faut pas croire les Américains et qu'ils vont faire comme en 1919, c'est-à-dire retourner à l'isolationnisme. Mais ça n'apparaît pas très convaincant, d'autant plus que Roosevelt adresse une lettre à Kuwaitly le 7 décembre 1944, c'est-à-dire après la réélection de Roosevelt aux États-Unis. Ça, 44, c'est la troisième réélection. Roosevelt étant le seul président des États-Unis, il en fait plus de deux mandats. Et c'est pour cette raison qu'après sa mort, il y aura un amendement de la Constitution américaine interdisant à un président de faire plus de deux mandats consécutifs. Ou éventuellement un président élu, parce que si un vice-président devient président, il ne s'est pas compté dans le détail des mandats. Après sa réélection, il exprime la volonté des États-Unis à jouer un rôle dans la politique internationale dans un monde redevenu en paix et prospère. Alors, comme d'habitude, la pluralité des centres de décision britanniques, et aussi les Britanniques sont compliqués, il n'y a pas que les Français et les Arabes, rend difficile aux autres acteurs d'avoir une vision claire des intentions de la puissance hégémonique. À Londres, Anthony Eden et le Foreign Office prennent en compte que la renaissance politique et militaire de la France est inévitable à moyen terme, alors que la présence américaine en Europe n'est pas assurée. Rien n'interdit de penser à un retour de l'isolationnisme, comme en 19. Donc Eden pense, à juste titre d'ailleurs, qu'en tout cas qu'il faut réorienter la politique britannique vers un retour au tandem franco-britannique de l'entre-deux-guerres, donc ménager la France au Proche-Orient et mettre fin à ces querelles permanentes entre De Gaulle et Churchill à propos de la Syrie et du Liban. Donc la position du Foreign Office, c'est de demander régulièrement le rappel de Spears à Londres et la réaffirmation que l'on reconnaîtra à la fin de la guerre une prédominance française au Levant. Alors, c'est ce qu'expliquent les responsables britanniques aux Français du SFLN, mais le problème, c'est que les Français ont du mal à croire dans les vertus britanniques, ce qui est une maladie française bien connue. Et pendant ce temps-là, les Britanniques travaillent à un second projet de partage de la Palestine. Alors, dans ce projet qui s'affirme en décembre 1943, la partie juive est agrandie par rapport au projet de 1937 et un État de Jérusalem serait créé. La partie arabe sera divisée en deux territoires. Il pourrait d'ailleurs être possible de rattacher la Galilée arabe, qui est séparée, vous voyez, sur le plan du reste de la Palestine. La Galilée arabe pourrait être rattachée au Liban Sud ou éventuellement à la Syrie, s'il y a des remaniements du Liban Sud par rapport à la Syrie. Si on obtient l'accord des Français, la Palestine arabe pourrait être intégrée à un ensemble syrien qui comprendrait aussi la Transjordanie et la Syrie. Et on inciterait par divers moyens les habitants arabes de la partie juive de gentiment quitter leur territoire, leur domicile, et de s'installer ailleurs. Donc ça, c'est le second projet de partage. Sur le papier, ça peut paraître satisfaisant, ce second plan de partage, mais il est impossible de l'appliquer tant que la guerre durera, car les stratèges militaires ont montré qu'il faut plusieurs dizaines de milliers de soldats pour imposer le plan de partage. Après tout, le premier plan de partage, on n'avait pas réussi à l'imposer par la force en 1937. Donc le second plan, il faudrait encore des moyens militaires bien supérieurs. On ne peut pas utiliser les troupes alliées stationnées au Proche-Orient pour cela, puisque on fait reposer un certain nombre de troupes étrangères au Proche-Orient dans l'attente de l'assaut final sur l'Europe. Il y a donc des Grecs, des Belges, des Français et des Polonais qui se trouvent stationnés au Proche-Orient en 43-44 avant éventuellement d'être renvoyés vers les fronts européens. Quant aux contingents indiens, qui sont importants dans l'armée britannique du Moyen-Orient, il y a une partie qui est musulmane, et donc on n'est pas sûr qu'ils appliqueraient volontairement une politique de force envers les musulmans de Palestine. Donc le plan ne sera applicable qu'après la victoire sur le Japon, puisque tout le monde a compris que comme l'effort de guerre est concentré sur l'Allemagne, après la défaite allemande, on ne pourra s'occuper de battre la puissance japonaise. Donc, pour l'instant, on ne peut pas ébruiter le projet de partage pour éviter de créer de nouveaux troubles. Eden est très hostile au second plan, mais se trouve dans l'impossibilité de proposer une solution de substitution satisfaisante. Les mois suivants, il est convenu qu'il serait inélégant de déposer l'émir Abdallah de son trône de Transjordanie. Deux étapes s'opposent au moins. Donc la première, celle du partage, ferait de la partie arabe de la Palestine la Syrie du Sud. La seconde, qui devrait attendre la mort d'Abdallah et le départ des Français du Levant, serait celle de la constitution de la Grande Syrie. Pendant ce temps, les dirigeants arabes, qui ignorent tout des réflexions britanniques, se sentent encouragés par la seconde déclaration d'Eden à aller vers le sens d'une fédération arabe. D'autant plus que les Britanniques, par leur fermeté dans la crise de novembre 1943 au Liban, ont montré qu'ils soutiennent les thèses arabes. Donc, l'Égypte va prendre la direction des opérations en appelant à la tenue de discussions au Caire sur la question de l'unité arabe, ce qui provoque immédiatement la méfiance des autres arabes, puisqu'ils sont tous pour l'unité, mais à condition que ce soit à leur profit et pas celle des autres. Tout le second semestre de 1943, et les mois suivants de 1944 sont ainsi consacrés à des négociations préalables pour définir le statut et la composition de la future conférence. L'Arabie saoudite s'inquiète des projets hachémites et est finalement apaisée quand il devient clair que l'Égypte n'envisage qu'une coopération entre États et non une fédération ou une confédération. Du coup, les Syriens peuvent se permettre de se poser en défenseurs intransigeants de l'unité arabe, en sachant parfaitement que c'est sans conséquence, puisque l'Égypte et l'Arabie saoudite sont contre. Quant au Liban, il profite des consultations pour marquer sa volonté de conserver sa pleine indépendance, reconnue par l'Arabie saoudite et l'Égypte, afin de bloquer les potentielles ambitions des hachémites. Enfin, les deux États du Levant, c'est-à-dire la Syrie et le Liban, veulent le maintien de leur statut de république, ce qui implique un rejet de toute fusion avec la Transjordanie, avec l'Irak, qui sont des monarchies. Alors c'est un bon prétexte, et puis en dehors de ça, ils ont parfaitement compris, la classe politique syro-libanaise, que s'ils font une fusion avec une monarchie, ben, ils n'auront jamais le poste suprême. Tandis que s'il reste des républiques, ben, l'un d'entre eux sera toujours président de la République. Comme Anaras Pacha demande à la France la participation de représentants de l'Afrique du Nord à la future conférence, cela ne fait qu'attiser la méfiance du général de Gaulle, qui voit encore là une manœuvre britannique. Les Britanniques rejettent de leur côté une demande du même Narras de participation d'une délégation libyenne, puisque la Libye se trouve sous occupation britannique depuis la guerre, depuis El Alamein. Et les Britanniques ont promis une indépendance à la Libye. En tout cas, ils ont promis, pas une indépendance, ils ont promis que les Italiens ne reviendraient pas en Libye. Ce qui est un peu plus subtil. Alors, les multiples oppositions entre États arabes démontrent combien les structures étatiques se sont consolidées depuis la fin de la Première Guerre mondiale, même si par ailleurs les instruments modernes de communication physique et intellectuelle ont rapproché les pays considérés. C'est ça la contradiction. En 1920, quand les États émergent, il faut encore des jours de voyage pour traverser le Moyen-Orient, en étant donné le mauvais état des réseaux de communication. 25 ans après, on peut aller en une journée de Jérusalem à Damas ou au Caire, ou un peu plus, mais une journée et demie à Bagdad, et même maintenant il y a des vols qui font ça en quelques heures. Mais les États arabes commencent à diverger. Et plus le rapprochement matériel s'opère, et le rapprochement intellectuel par la radio, le cinéma, etc., la musique, Oum Kulsoum, etc., se renforce, plus la divergence politique s'accroît. C'est ça le paradoxe qui va rendre impossible tout projet d'unité arabe. Les acteurs doivent à la fois rendre compatibles les aspirations de leur population et leurs ambitions personnelles, d'où le retard considérable pris par la tenue du Congrès, d'autant plus que les Britanniques demandent à Anaras Pacha de ne pas accélérer le processus sans leur lui expliquer pourquoi, c'est-à-dire le second plan de partage. Finalement, le 22 juin 1944, Narras adresse les invitations à la tenue de la conférence. L'Arabie saoudite tergiverse dans l'attente d'une opposition britannique, alors que les autres parties intéressées acceptent. Ce n'est qu'à la dernière minute que les Saoudiens décident de participer à la conférence préparatoire qui s'ouvre à Alexandrie le 25 septembre 1944. Dans l'actualité du Proche-Orient en 1944, la question palestinienne domine. Le groupe Stern ou Lehi s'est progressivement reconstitué dans la clandestinité sous la direction de Yitzhak Shamir. Il considère toujours que l'ennemi principal est le britannique et non l'allemand. De même, l'Irgun s'est réorganisé avec Menachem Begin, arrivé en Palestine dans l'armée polonaise. Begin avait connu le sort de l'armée Anders, c'est-à-dire qu'il était officier dans l'armée polonaise, fait prisonnier par les soviétiques. Il avait la chance de ne pas être à Katyn, donc il a été déporté en Sibérie. Et là, quand les Allemands ont attaqué l'Union soviétique, Staline a libéré les prisonniers polonais qui étaient présents dans le goulag. Et on a formé à partir de cela l'armée Anders, du nom du général qui les commandait, le général Anders, Et donc l'armée Anders s'est d'abord battue du côté de l'armée Sœur Rouge, et puis ensuite, en 1942-43, Churchill, qui était très inquiet sur le sort de ses Polonais, a obtenu de Staline que l'armée Anders quitte la Russie. Et donc l'armée Anders, avec les femmes et les enfants polonais, sont passées en Iran et ensuite ont été stationnées au Proche-Orient. Les femmes et les enfants ont été envoyés au Kenya par les Britanniques, tandis que les hommes valides restaient combattants dans l'armée polonaise. Et les Polonais se sont battus évidemment à l'Allemagne, et puis ensuite ils ont fait Monte Cassino, et ainsi de suite. Et donc Begin était arrivé dans l'armée Anders en Palestine, il avait déserté pour se lancer dans l'activité politique en Palestine. Bon, c'est pour ça qu'il était résolument anti-soviétique par ailleurs, parce que son souvenir du goulag n'était pas très agréable. Alors, ce qui compte, c'est que les deux mouvements de la droite sioniste, le Stern et l'Irgun, décident de reprendre les hostilités contre les Britanniques en février 1944. Et les attentats qui commencent donc à cette date immobilisent en Palestine des troupes qui auraient été utiles contre l'Allemagne nazie. Ça, il faut bien comprendre que pour les Britanniques, c'était insupportable de devoir concentrer des forces en Palestine alors qu'ils préparaient les débarquements en Europe. Les Arabes, eux, s'inquiètent du programme politique du Parti travailliste britannique pour l'après-guerre, qui prévoit la création d'un État juif avec transfert de la population arabe à l'extérieur. En tout cas, le D-Day, 6 juin 1944, le débarquement de Normandie, fait comprendre que la fin du conflit mondial approche, et puis quelques semaines après, comme vous le savez tous, c'est l'opération Bagration, c'est-à-dire l'attaque générale de l'armée rouge de la mer Noire à la Baltique, 3 millions d'hommes, des milliers de canons, de chars, etc. Et c'est beaucoup plus Bagration que le débarquement de Normandie qui va détruire l'armée allemande. Pour mémoire, la moitié des pertes militaires allemandes de la Seconde Guerre mondiale ont lieu entre le 6 juin 1944 et le 8 mai 1945. C'est là où l'armée allemande est détruite, pas avant. Et l'obstination mortelle d'Hitler porte une large responsabilité dans ces pertes colossales de l'armée allemande. Donc, c'est dans ce contexte du débarquement de Normandie, de la grande offensive de l'armée rouge, que s'ouvre la conférence d'Alexandrie, le 25 septembre 1944. Le fait que les Britanniques ne se soient pas opposé à la tenue de la conférence d'Alexandrie fait croire à tout le monde que les Britanniques sont pour. En fait, dans les archives britanniques, on voit que c'est beaucoup plus simple. Ils ont dit « les Arabes peuvent pas s'entendre entre eux, donc c'est pas la peine qu'on s'oppose à leur réunion, parce que si on s'y oppose, ils vont dire que c'est notre faute, tandis que si on les laisse faire, on sera pas accusé. » Mais ça va expliquer le mythe que vous retrouvez encore dans un certain nombre d'ouvrages, que la Ligue arabe est une création britannique. Et donc la seule obstruction britannique a été la non-présence de délégués palestiniens à la conférence d'Alexandrie. Alors on a transigé en disant qu'il y aurait un observateur palestinien, mais pas de représentant. Alors à Alexandrie, évidemment, il y a les gens qui veulent une union fédérale ou confédérale, c'est-à-dire les hachimites, et ceux qui veulent une simple coopération. Riyad al-Sol, représentant le Liban, va jouer un rôle majeur, défendant l'indépendance complète de son pays, ce qui convient aux autres acteurs qui ne peuvent se permettre officiellement de se démarquer des idées unitaires. Et donc le pacte national libanais va être consacré par le protocole d'Alexandrie. L'existence du Liban est reconnue dans ses frontières actuelles à condition de maintenir une politique étrangère compatible à celle des autres pays arabes. Voilà le principe qui est adopté à la conférence d'Alexandrie. Alors, on ne va pas parler des Britanniques, parce que d'abord, ils contrôlent toute la région monétairement, qu'on a besoin d'eux pour obtenir l'indépendance complète de la Syrie et du Liban, et les Saoudiens ne sont pas encore vraiment sûrs que les Américains seront encore là après la guerre. Le protocole d'Alexandrie du 7 octobre 1944 montrent que le principe de la coordination plus ou moins large des États arabes l'a emporté sur des idées plus unitaires. Donc la clause, terme A, c'est évidemment le plus important. Une ligue des États arabes sera constituée par les États arabes indépendants qui voudront en faire partie. Donc, par contraction, on dit toujours la Ligue arabe, mais le nom réel, c'est Ligue des États arabes, ce qui montre bien que le point premier essentiel est l'indépendance des États arabes. Il aura pour mission d'exécuter les accords que les États concluront entre eux et d'organiser des réunions périodiques pour affirmer leurs relations et coordonner les programmes politiques en vue de réaliser la coopération entre eux, de sauvegarder par tous les moyens possibles leur indépendance et leur souveraineté contre toute agression et de s'occuper d'une façon générale des affaires des pays arabes et de leurs intérêts. Donc là, on voit très bien que le but recherché est de consacrer l'indépendance des États dans le cadre d'une coopération entre ces mêmes États. Il est interdit de recourir à la force pour régler les conflits entre deux États membres de la Ligue. Ça, c'est une bonne chose. Dommage qu'on ne l'a pas respecté. Chaque État aura le droit de conclure avec un autre État membre et non membre de la Ligue des accords particuliers, à condition qu'il ne soit pas contraire au texte et à l'esprit de ses dispositions. On ne peut obtenir de politique extérieure préjudiciable à la politique de la Ligue des États arabes. Voilà, bon. Alors, sur le point palestinien, les États réunis à Alexandrie s'en tiennent au Livre blanc de 1939. Le comité estime que la Palestine constitue un des importants éléments des pays arabes et que les droits des Arabes ne sauraient y être touchés sans danger pour la paix et la stabilité du monde arabe. De même, le comité estime que les engagements pris par la Grande-Bretagne qui comportent l'arrêt des migrations juives, la sauvegarde des terres appartenant aux Arabes et l'acheminement de la Palestine vers l'indépendance constituent autant de droits acquis pour les Arabes et que leur exécution serait un pas en avant vers le but visé, vers le raffermissement de la paix et de la stabilité. Le comité proclame son appui à la cause de la Palestine pour la réalisation de ses aspirations légitimes et la sauvegarde de ses justes droits. Et les données du problème sont posées jusqu'à maintenant. Le comité déclare qu'il ne compatit pas moins que quiconque aux souffrances que les Juifs ont endurées en Europe du fait de quelques États dictatoriaux, mais il importe de ne pas confondre le cas de ces Juifs avec le sionisme, car rien ne serait plus arbitraire et plus injuste que de vouloir régler la question des Juifs d'Europe par une autre injustice dont les victimes seraient les États arabes de Palestine, à quelque religion ou confession qu'ils appartiennent. Le lendemain, 8 octobre 1944, le roi Farouk renvoie le gouvernement wahhabiste de Nahas Pacha et charge Ahmad Maher de former un gouvernement s'appuyant sur les partis dits minoritaires, c'est-à-dire pour l'essentiel des dissidents du Waft. Alors, la fin de la guerre. Alors que le gouvernement britannique s'en tient toujours au second plan de partage, l'Irgun et le Stern multiplient les attentats contre les Britanniques et accessoirement les Arabes. Le 6 novembre 1944, Lord Moyne, qui a succédé à Richard Casey comme ministre résident au Moyen-Orient, est assassiné au Caire par un commando du groupe Stern. Cette fois, l'agence juive ne peut se contenter de condamnations verbales et la Haganah livre un certain nombre de dissidents aux autorités. Sans le dire, le gouvernement britannique et Churchill lui-même renoncent au second plan de partage et se trouvent démunis de politique à long terme. L'événement le plus important et le passage de Roosevelt en Égypte au retour de la conférence de Yalta. Il rencontre successivement le roi d'Égypte, l'empereur d'Éthiopie et le roi d'Arabie saoudite, ainsi que le président syrien, Kouetli. L'absence d'invitation adressée aux Hachémites de Transjordanie et d'Irak a particulièrement inquiété et vexé ces derniers. C'est la troisième rencontre sur le destroyer Quincy qui a marqué la mémoire collective alors qu'il n'y a aucune raison particulière, qui est donc devenue légendaire. Ce serait à ce moment qu'un pacte aurait été conclu entre les Saoudiens et les Américains. Donc vous trouvez une abondante littérature complètement fausse sur le pacte de Quincy, parce que l'essentiel avait déjà eu lieu avec la création de l'Aramco en janvier 1944. La décision a été prise de développer l'exploitation du pétrole saoudien, ce qui implique des investissements considérables. L'administration Roosevelt a un moment envisagé de faire de l'Aramco une compagnie d'État américaine, ce qui avait provoqué l'hostilité résolue de la plus grande compagnie américaine des majors. Depuis février 1943, l'Arabie saoudite bénéficie du prêt de bail. Des relations diplomatiques directes sont maintenant entretenues. En 1944, l'émir Faisal, ministre des Affaires étrangères, a fait sa première visite aux États-Unis. Dans les entretiens politiques, il explique l'hostilité de son pays à tout projet d'union arabe. Le renforcement de la présence américaine dans le royaume se fait au détriment des Britanniques. Ce que recherche Ibn Saroud lors de l'entrevue de Quincy est la garantie du maintien de la politique américaine en faveur de la porte ouverte, c'est-à-dire la fin de la prédominance britannique et l'exposition des thèses arabes en ce qui concerne la Palestine. Procès verbal. Le président a demandé à Sa Majesté son avis en ce qui concerne le problème des réfugiés juifs expulsés de chez eux en Europe. Sa Majesté a répondu qu'à son avis, les juifs devraient retourner vivre là où ils avaient été expulsés. Les juifs dont les foyers avaient été complètement détruits et qui n'avaient aucune possibilité de subsistance dans leur patrie, homelands dans le texte anglais, devraient recevoir l'espace suffisant pour vivre dans les pays de l'Axe qui les avaient opprimés. Le président a remarqué que la Pologne peut être prise en exemple. Il semble que les Allemands aient tué 3 millions de juifs polonais, ce qui fait qu'il devait y avoir suffisamment d'espace pour la réinstallation de nombreux juifs sans foyer. Le reste est du bavardage, small talks. Néanmoins, le président a assuré qu'il ne ferait rien pour aider les juifs contre les Arabes et qu'il ne ferait aucune action hostile au peuple arabe. À son retour à Washington, Roosevelt affirmera qu'il a appris plus sur la Palestine en 5 minutes de la part d'Ibn Saroud que dans sa vie précédente. Son entourage traduit qu'il a découvert ce que tout le monde savait, que les Arabes ne voulaient pas de juifs supplémentaires en Palestine. Donc je vais vous laisser là, en pleine angoisse. Mais enfin, je vous rassure, la guerre, elle est bientôt terminée. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 12 décembre 2018 l'historien Henri Laurence, Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique, 1926-1956, aujourd'hui le Levant et la Palestine dans la guerre. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. Je vous recommande son ouvrage « Les crises d'Orient, questions d'Orient et grands jeux 1768-1914 chez Fayard en 2017 » qui était lié au cours précédent. Et prochainement, le tome 2 de ces crises d'Orient va paraître sous le titre « La naissance du Moyen-Orient 1914-1949 ». Iconographie web Claire.Signon, réalisation Laure-Hélène Planchet, présentation Meryl Moneghetti. Lundi, nous poursuivrons notre exploration de ces crises d'Orient en compagnie d'Henri Laurence. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.